Chapitre 17. La plainte d'Odrun, Odrunar Gradr. Il y avait un roi qui s'appelait Heidrek. Sa fille se nommait Borgny, et le bien-aimé de celle-ci, Vilmund. Elle ne parvenait pas à enfanter jusqu'à l'arrivée d'Odrun, sœur d'Atli. Elle avait été l'amante de Gunnar, fils de Gjuki. C'est de cette saga qu'il est question ici. D'anciens récits rapportent qu'une jeune fille arriva au pays de l'Orient. Personne, ni homme ni femme, ne savait comment secourir la fille d'Heidrek. Odrun, la sœur d'Atli, entendit dire que la jeune fille était en proie à d'horribles douleurs. Elle sortit de l'écurie le cheval au mors pesant et mit la selle sur ce noir coursier. Sur le sentier uni, elle poussa le cheval rapide jusqu'à ce qu'elle vit les hautes salles. Elle délivra de la selle le coursier affamé et se hâta d'entrer dans la demeure. Voici les premiers mots qu'elle prononça. « Qu'est-il arrivé d'heureux en ce canton? Que se passe-t-il au pays des Yunes ?»« Borgny. Borgny gît ici, accablé de douleur. Oh, Odrun, viens au secours de ton ami. » »« Odrun. Quel est le prince qui est cause de tes tourments? D'où vient que Borgny soit en proie de si grandes douleurs ?» Borgny, il s'appelle Vilmund, l'ami du chef aux nombreux faucons. Cinq hivers durant, à l'insu de son père, il entoura la jeune fille de chaudes couvertures. Je crois qu'elle ne se dira rien de plus. Elle s'assit doucement aux genoux de la jeune fille. Odrun chanta à haute voix. À haute voix, Odrun chanta des chants magiques sur Borgny. Une fille et un garçon voient le jour, de charmants enfants du vainqueur de Högni. Il ne s'agit pas ici de Högni, frère de Gunnar, mais d'un guerrier qui portait le même nom. La jeune femme malade ne tarda pas à parler. Voici les premiers mots qu'elle dit. « Que les bonnes puissances Frigg et Freya et les autres dieux te soient propices, toi qui m'as délivré de ce danger extrême. » Odrun, je ne me suis point levé pour venir à ton secours parce que je croyais que tu en étais digne. Non, quand les nobles chefs se partagèrent l'héritage, je promis de venir en aide à toute femme qui enfanterait, et j'ai tenu ma promesse. Borgny, tu as tort, Odrun, de parler ainsi sans réfléchir, poussé par la colère, car nous avons vécu longtemps amicalement ensemble, comme si nous étions les enfants de deux frères. Odrun, je me rappelle encore les paroles que tu prononças quand je préparais le repas de Gunnar. Certes, disais-tu, nulle jeune fille, sauf moi, n'en ferait autant. La jeune femme, accablée de douleur, s'assit, et ses gémissements trahissaient sa souffrance. Odrun, je fus élevée dans une riche demeure. Chacun m'aimait et m'estimait heureuse, mais je ne jouis de ma jeunesse et des richesses que pendant cinq hivers, avant qu'il mourût. Avant de quitter la vie, ce roi fier et puissant nous fit connaître ses dernières volontés. Il me combla d'or rouge et m'envoya vers le sud pour épouser le fils de Grimhild. Il n'y aurait point eu d'aussi noble fille que moi sous la lune, si les divinités ne m'étaient point devenues contraires. Brunhild, dans sa chambre, travaillait à des tapisseries. Elle possédait beaucoup de terre et ses fidèles l'entouraient. La terre et le ciel dormaient encore quand le vainqueur de Fafnir aperçut le bourg. On se battit rudement avec des épées velches, et le bourg où résidait Brunhild fut pris. Avant peu de temps, qui s'en étonnerait, elle connut la trahison exercée à son égard lors de son mariage avec Gunnar. Elle se vengea si cruellement que tous nous eûmes à en souffrir. Partout où habitent des hommes, on sait comment elle se tua après la mort de Sigurd. J'avais déjà accordé mon affection à Gunnar, ce guerrier à la forte cuirasse, comme Brunhild aurait dû le faire. Elle faisait bien, pensait-il, de porter le home et de redevenir Valkyrie. Les guerriers offrirent à mon frère des anneaux d'or rouge et une riche composition. Pour m'obtenir, Gunnar offrit aussi 15 domaines et l'or qu'avait apporté Grani. Atli répondit qu'il repoussait les dons de fiançailles du fils de Gjuki, mais nous ne pouvions pas toujours contenir notre amour et j'appuyai ma tête sur l'épaule de Gunnar. Beaucoup de mes parents m'accusaient tout bas d'entretenir avec le roi des relations coupables, mais Atli pensait que je ne m'abaisserais jamais au point de perdre mon honneur. Toutefois, nul ne peut répondre d'autrui là où règne l'amour. Atli envoya ses espions au plus profond de la forêt de sapins pour me surprendre, et ils vinrent là où ils n'auraient pas dû venir, et ils nous virent couchés ensemble. Nous offrîmes à ses guerriers des anneaux d'or rouge, afin qu'ils cachassent tout à Atli, mais ils se hâtèrent de regagner leur palais et de tout révéler à Atli. Ils ne dirent rien à Gudrun, qui pourtant aurait dû tout savoir. On entendit résonner les pieds ferrés d'or des coursiers quand les fils de Gjuki entrèrent dans la cour du bourg. On coupa le cœur de Hogni hors de sa poitrine et on jeta Gunnar dans la tour aux serpents. J'étais allée en ce moment, ainsi que cela m'arrivait fréquemment, dans la demeure de Geirmund, afin de l'aider à recevoir ses hôtes. Gunnar, le héros, se mit à jouer de la harpe. Le noble chef espérait que, par adresse, j'aurais pu venir à son secours. J'écoutais et je l'entendis de l'éveil où je me trouvais, comme les cordes de la harpe résonnaient lamentablement. J'avertis mes vierges de se hâter de me suivre. Je voulais sauver la vie du roi. Nous conduisîmes la barque au-delà du bras de mer, jusqu'à ce que nous aperçûmes tout le bourg d'Atli. Pleine de venin, la mer d'Atli se dirigeait de ce côté. Puisse-t-elle pourrir au fond d'un marais, et elle mordit Gunnar au cœur. Ainsi je ne pus sauver ce chef glorieux. Gunnar, par les sons de sa harpe, avait endormi tous les serpents, mais la mère d'Atli, métamorphosée en vipère, le tua en le mordant au cœur. Je m'étonne souvent comment moi, vierge couverte de l'or de Gnitaheid, j'ai pu conserver la vie, car je croyais aimer mieux que moi-même ce chef vainqueur dans les combats qui distribuait des épées aux guerriers. Te voilà assise écoutant le récit de mes incomparables malheurs et des siens. L'existence de chacun est réglée par le destin. La plainte d'Odrun est terminée.